Hola La Music, avui ens arriba música en directe, perquè a Hola La ens agrada de tant en tant, molt de tant en tant, repassar grans concerts de la història. Avui el concert ens el posarà en Claude François, un dels grans intèrprets de la música francesa, nascut a Egipte, ja us ho han dit moltes vegades, i que ens ha acompanyat al llarg dels anys amb la seva música. Una actuació que ens va portar en directe al 1969 a l'icònic teatre, o com vulgueu dir-li, Olímpia de París. Cançons com aquesta que escoltarem i que anirà portant a terme el programa d'avui. Prepareu-vos, doncs, a gaudir del món de la música en directe. Hola, la música, avui amb Claude François. Benvinguts, benvingudes, us parla Rafael Corbí. Cherche un garçon fidèle toute sa vie. Cherche un garçon qui ne pense pas qu'à lui. Cherche un garçon. garçon ni trop sage ni trop fou. Cherche un garçon qui ne soit pas jaloux. Cherche un garçon amoureux d'une fille. Je vais tu la trouves, c'est vraiment la folie. Présente-leur et je te jure que lui saura t'aimer. Je voudrais voir un couple uni et vraiment très heureux. Oui, cherche. Cherche deux êtres qui sont faits pour s'entendre. Cherche deux êtres qui veulent se comprendre. Cherche deux êtres qui ne vivent que l'amour. Cherche deux êtres qui s'aimeront toujours. Cherche deux êtres amoureux l'un de l'autre. Jamais tu les trouves, mais demain. Présentez-moi et je te jure que je me marierai. Je sais que l'on n'y peut plus rien. Je sais, mais je ne peux pas croire. Je sais qu'il n'y a plus d'espoir. J'ai peur, si peur seule dans la vie. Si froid, tout seul la nuit. Je pleure de haine au petit jour. Je te hais en gémissant d'amour. J'ai si mal de penser qu'un autre déjà te serre dans ses bras. Je sais que je n'aurais pas dû. Je sais, je n'ai jamais su. Je sais que souvent j'ai eu tort. Je sais que notre amour est mort. Mais j'ai si mal de penser un autre déjà te serre dans ses bras. Si mal et pourtant depuis trop longtemps. Je sais c'est la fin. Je sais que l'on n'y peut plus rien. Je sais, je ne devrais pas parler. Je ne devrais pas pleurer. Je ne devrais pas crier. Et mes pensées couleurs du soir s'en vont au fil de l'eau. Dans la vrille, c'est là que nous venions tous les deux. Oui, autant où nous étions heureux. Le décor est si beau. J'y ai maintenant la tristesse au cœur. Toi, tout à coup, mon cœur boit à Le lac est calme comme un miroir, mais il me semble toujours voir ton image sur l'eau. Rêverie, là-bas les saules sont de vieux amis, de leur feuillage qui frémit, ils effleurent les roseaux. Déjà c'est l'automne et ses feuilles jaunissent, on n'entend plus l'oiseau dans les nids. Tout est silencieux et c'est si bien d'argent, autour de fond des cercles d'argent. Avril, lac est calme comme un miroir, mais je sais que tous mes espoirs se sont noyés dans l'eau. Attention, je vais vous mettre à l'épreuve maintenant. La la la la la la la la la. Je m'accroche aux étoiles, je me perds, je tournoie dans les airs et je contourne la lune. Soudain je tombe sur terre, je suis tout seul, j'ai mal, je supplie et je crie. Héloïse, Héloïse, comprendre tout ce que j'ai à lui donner. Mon Héloïse, tu vas m'entendre, tu vas venir, tu vas rester.

si hi ha gent que s'incorpora tard amb el nostre programa, recordeu que esteu escoltant Hola la Música, el programa de música en francès que us porta aquesta emissora amb Rafael Corbí. I què estem escoltant? Doncs un concert de l'any 1969. És un dels nostres especials que us portem a terme molt de tant en tant. La música avui és del cantant Claude François amb un concert enregistrat a l'Olímpia de París el 1969. Que je te te réveille pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Et toi, toi tu me tournes le dos. Et comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite. Je sors de la chambre comme d'habitude. Seul, tout seul je bois mon café. Je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors, oh, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je t'aime rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Seul, tout seul j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Seul dans ta vie, être seul dans ton cœur et dans ton âme, cela connaître des joies, cela partager des larmes. Je te veux tout à moi, sans avoir à nous cacher, sans essayer de tricher. Montrons-nous un exemple à tous les autres, et surtout ne soyons pas amour parmi tant d'autres. Je te veux tout à moi. Je suis jaloux de tout, tout ce que chaque jour tu donnes à ce qui t'entoure. Tes gestes que tu fais, de tes pas droits, la flexion de ta voix, de ton rire qui s'envole. Je te veux tout à moi, un jour tu seras tout à moi. Tout à moi, tu seras tout à moi. Cette plage déserte, je ne l'ai pas encore découverte. Mais ça viendra, un jour tu seras tout à moi. Tout à moi, tu seras tout à moi. Un jour tu seras tout à moi. Tu seras tout à moi. D'ailleurs si je pouvais, je pouvais t'envoler. Sur une île abandonnée, tu m'y verrais jaloux. Et peut-être encore, quand nous se feront la voix, de l'eau qui joue sous ton corps.

tout le monde. D'abord pour commencer à vos gauches, je vous présente mes cœurs, les fléchettes. Chaîne mes cœurs à gauche en regardant la scène, sans oublier juste derrière moi mes musiciens. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les flèches. Les flèches, juste devant les flèches, à gauche, à droite, les clonettes, à gauche, à droite. Tout gentil, tout ici. Salut! Doncs fins aquí el concert d'aquesta setmana amb la música, la presència de Claude François des del 1969. Espero que us hagi agradat aquesta música que en el seu temps doncs, era la que tallava el bacallà. N'heu sentit un grapat d'èxits a l'Olímpia de París. Canviem radicalment de ritme per als següents minuts i finals del programa d'avui. Per què ens anem amb uns rapers francesos, una agrupació de hip-hop fundada a Marsella, a Occitània, el 1995, que inclou cantants rapers amb antecedents d'immigració de les excolònies franceses. Gent com, per exemple, Senyor Alonso. No us direm els noms originals perquè no els sé ni pronunciar. O Don Vincenzo, així es fa dir. O Soprano, que venen de les Comores. Mentre que gent com DJ Sia Styles ens arriba des del Marroc. Jo els vaig conèixer fa 10 anys enrere, més de 10 anys enrere, que carai, amb la música que ens va portar d'aquell tema que crec que ja havíem escoltat amb el nostre programa, els Infants de la Luna, els Nois de la Lluna, no? El fill Hijo de la Luna, que en deia Mecano, amb una versió que van realitzar la cantant espanyola Ana Torroja. Zi de la Rim, s'anomenen més o menys aquesta gent, Zi Cat de la Rim, amb aquesta cançó, la recordem, amb el Hijo de la Luna. Veritat? Doncs que soni així. Ven conmigo, hijo mío. Ven, pequeño, ven. Ven con tu madre. Hijo de la Luna. Toujours la même pensée. J'ai hâte d'être là ce soir, de te voir, car t'es la seule à qui je me confie et qui peut me voir. Mon ange gardienne, à qui je fais la bise, qui veille sur mes conneries qui me font flancher comme la tour de Pise. L'envie de te serrer fort, car à la maison c'est le bordel, c'est le cortège des enfants seuls, enfantés comme Corneille. À peine 13 piges, crapote ma première cigue, peur de grandir auprès de toi, la mère qui n'a pas de bras. Quiere el amor de los hermanos, que vive la noche, los locos de ese mundo, adios. Car je suis jeune et je jetterai pas mon cartable quand je vois que les 3-8 pour certains frères sont pas rentables. La vie intacte et j'ai peur de me faire couper. Malgré ton clair de lune, les pierrots ne sont pas satisfaits. Por favor, que soy esta pa ti luna, cuando pa mi madre soy el niño de la luna. Qui tu veux être mère? Tu ne trouves pas l'amour qui exauce ta prière. Dis-moi lune d'argent, c'est l'enfant. Hijo de la luna, je viens pas travestir la réalité, ni imiter le vivant. Je veux ressembler à mes morts, à leur vérité. Enfant de la lune, orphelin quand le soleil se lève, quand

te plaît, oublie toutes les fois où je t'ai fait souffrir. Je sais que l'effort est une force que je maîtrise peu. Et je sais aussi que c'est le parapluie qu'il faut quand sur tes joues il pleut. Mais dans ma tête, j'entends des coups de flingue incessants. Un braconnier a laissé des plumes de colombe pleines de sang. Je voulais apprendre à donner, j'ai appris à tout manger, apprendre à pardonner. J'ai appris à me venger, je voulais apprendre à aimer. J'ai appris à haïr, je ne voulais pas ramer. Je l'ai fait avec un gros navire, j'ai voulu éviter la pluie. Je l'ai affronté en t-shirt, je la voulais pour la vie. Je ne l'ai eu que pour un fleur, je me sens comme une bouteille à la mer, noyé dans les vagues de la mélancolie de la vie. Comme une bouteille à la mer, je me sens comme une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer, à la recherche d'une vie, d'un navire, qu'on puisse me recrocher et lire ce qu'il y a dans mon cœur, ce qu'il y a en moi. Comme une bouteille à la mer, comme une bouteille à la mer, je me sens comme une bouteille à la mer, comme une bouteille à la mer, je me sens. La música d'aquest Zicat de la Rim, que ens acompanyen amb alguna de les cançons que vàrem extreure d'aquest mateix disc que us parlaven, d'aquest Fills de la Lluna, d'aquest en 2005, amb la qual la cançó Estrella, per nosaltres, havia estat aquell tema amb Ana Torroja. Com una ampolla al mar, era el tema que acabem d'escoltar. I pràcticament ens acomiadem ja del nostre programa. Escoltarem fins al final dues cançons més d'aquest àlbum, el que doni de si al nostre espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, Claude François, Zid de la Rim, han estat els protagonistes en el programa d'avui. Fins la propera, a reveure. J'ai plus souvent appris à me forger durant le croissant de lune. Je vis au jour le jour, au taquet, comme on l'a si bien dit. Je suis de ceux prêts à faire tb, faire crier jour et nuit. Après réflexion, c'est le drame. Car je réalise que la vie n'est pas faite de malheur, de gâterie, de connerie, une larme à ceux qui n'ont pas eu le temps de réagir. Se faire avoir par la vie, c'est comme prévoir son avenir. La flamme du cœur, c'est comme une drogue douce. On dit que ça tue, ça fait mal, mais excitant comme boire son doigt, sucer son pouce. La vie m'a appris la vie, car vivre c'est comme se rendre compte qu'on ne vit pas éternellement. C'est comme la fin d'un livre, j'ai appris à être bon. Salam au maître d'école coranique, ceux qui t'apprennent que la vie n'est pas en italique. Pourtant je suis qu'un pion parmi tant d'autres, en cours d'arrière je ne sais quoi, pour à la fin donner sa place à d'autres. Un pion qui a appris dans ce monde à se faire bouffer, dans cette vie où faut apprendre à perdre pour après se relever. Pauvre de nous, on vit le siècle technologique, y'a plus de réflexes naturels, on s'inspire plus de la logique. Les guerres inspirent à l'évolution, la femme accouche sous X, elle sait plus c'est quoi un fils. La proie de la prison ou celle de l'antéchrist, ou du futur soldat français qui mourra en Afrique. Mais où sommes-nous, chez les civilisés ou chez les fous? L'état te raquette, même pour enterrer ton père tu payes son trou. Tout qui se paye c'est ça, y'a rien qui se donne c'est ça. La philosophie de la patrie c'est ça. Allez vous faire foutre, je vais plus payer vos amendes, quitte à être ou en tête recherché à des Irlandes par le fisc et tous ces juges pourris. Sur mes épaules Kenza et Kili, mis à mort on décolle. Je sens que je déconne et je perds la forme, je pillasse trop. Je suis trop bouillant pour le régime Sarko. C'est alarmant, notre passé nous rattrape à la nage. J'ai compris ça quand pour Turam ils ont fait le cri de Laura Houtan. Je vis pleinement mon âge, je vis mon temps. Apprends des petits, des grands, arabes ou Bagdad, Comores ou Gitan, Sénégalais ou Turquie, des Cambodgiens, des Arméniens, ça c'est Plandao City. C'est là d'où je viens, viens nous comprendre. Tu veux nos votes sans nous entendre, mais tu sais quoi de nos vies? L'amour m'a appris la haine, comme la mort nous apprend la vie avec de la peine. Voilà pourquoi je peine à vivre, je traîne mon cercueil derrière chaque sourire que je te lâche. Puis la nuit je m'endors à l'intérieur pour mieux enterrer mes clashs, noyé dans l'oasis d'un mirage. Voilà pourquoi sur les plages de l'amertume t'entends mes rap dans tous les coquillages. Le pire c'est que je sais que je mourirai triste. Une cigogne a tapé à ma porte et y a laissé un panier vide. On m'a dit tu grandis, tu oublies, moi je dis plus tu pries tu grandis. La vie n'a pas la violence de Gandhi. Je sais que dans la douleur je ne suis qu'un apprenti. Mais à mon âge, je sens que déjà que mon pouls ralentit. L'horloge tourne et mes promesses sont à la bourre. Je me paie des remords, mais certaines erreurs ne font pas de ristourne comme Pearl Harbor. Je crains jamais être attaqué, ça vient aussi derrière. Depuis ma parano est aux aguets. Va dire à celle à qui mon cœur n'a pas voulu s'ouvrir. C'est tellement arrêté de battre qu'il a peur de revivre. Le bonheur déjà m'a rendu aigri. La vie m'a appris que même après la pluie, chez moi les arcs-en-ciel sont gris. Tu connais quoi de nos vies, de ce qu'elle nous a appris, de ce qui nous met à l'abri ou en débris. Tu connais quoi de nos vies, vu qu'on est richement pauvres. Les rescapés sont riches en preuve. Tu connais quoi de nos vies, de ce qu'elle nous a appris, de ce qui nous met à l'abri ou en débris. Tu connais quoi de nos vies, vu qu'on est richement pauvres. Les rescapés sont riches en preuve. Tu connais quoi de nos vies, de ce qu'elle nous a appris, de ce qui nous met à l'abri ou en débris. Tu connais quoi de nos vies, vu qu'on est richement pauvres. Les rescapés sont riches en preuve. Tu connais quoi de nos vies, de ce qu'elle nous a appris, de ce qui nous met à l'abri ou en débris. Tu connais quoi de nos vies, vu qu'on est richement pauvres. Les rescapés sont riches en preuve. Les rescapés sont riches en preuve. Nous recommandons à Dieu Tout-Puissant, notre frère, et nous confions sa dépouille à notre mère la terre. Que la poussière retourne à la poussière. Que le Seigneur l'accueille en son sein. Que le Seigneur le baigne de sa céleste lumière et lui accorde la grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers lui et lui donne de la paix. Parti avant celle qui m'a fait venir. Parti avant celle que j'ai fait venir. C'est Kassim, ma mort m'a privé de l'avenir. Plus de formule, dans notre circuit les engins n'ont qu'une place. Vachement étroite, hélas, je sais pas si vous entendez le texte. J'émule la vérité, je vexe plus que je fais prendre conscience, barbeau. Tout comme DiCaprio, j'ai dit au revoir du Bacobo. Élève l'angle, j'ai pensé aller, mais pas retour. Entre les deux extrémités, à mes tours, les allées, l'amour, la fougue, la pauvreté. Entre ces deux extrémités, j'avais le temps de vrai pour mon retour. Je suis un cancre. J'ai négligé le cœur pour nourrir que mon ventre. Ça me pèse lourd, vu que pour toi petit je suis un exemple. Écoute l'homme qu'appelle les mains sur la tempe. Je suis en voyage, le trajet est long. Je sais pas si j'ai pris assez de bagages, mon trajet est long. Venez pas pleurer sur mon point de départ, non. Demandez pardon et coupez ce cordon qui lie mon existence à la vôtre, mon esprit qui vous hante, sommeil de plomb, je suis votre klaxon. Filtrez mes émotions, c'est mon vivant. Chaque épreuve a son degré d'effort. Tu pleures, moi, je te vois, faut pas. Il est souvent trop tard quand on se raconte de ce qu'on a vu. Et ça je le sens depuis que Gabriel m'a pris le bout. On se prend des jumelles alors que le bonheur est sous nos yeux. Je regrette tant le temps que j'ai perdu à être loin de vous. Déjà que je suis de nature solitaire, j'ai mis dans le ventre de mon temps le rap comme seul vers solitaire. Au lieu de le consacrer à mes frères qui ne cessent de grandir. J'espère que tout ce que j'ai bâti puisse embellir leur avenir. Non, non y'a pas de volard. Elle n'abreuve aucune tristesse, elle ne fait repousser aucun arbre. La vie file à une telle vitesse qu'elle nous condamne à être des seuls pleureurs. Rester des chaînes juste pour mon âme, au moins pour tous ces fans sensationnels. D'ailleurs c'est pour eux que dans le rap j'étais inculpé de crimes passionnels. Mais aussi pour Street Skills et tous ceux qui ont essayé de porter les peines d'un être qui n'a rien d'exceptionnel. Bercez-moi avec la mélodie du rire à maman. Ce moment soit suspendu dans le temps, éternellement. Je parle à vous, Sakina, Jamal, Zak et Naïma. Pas ma. Je t'en prie, prends ma main. Avec toi une dernière danse. Demain qui sait où je serai. Donc je t'en prie, prends ma main. J'y pense à cette danse. Car toi et moi on vient de loin. C'est flou comme ce mauvais œil de loin, mais qui souvent vient des tiens. Une valse avec toi pour avoir un œil sur le monde. Sourd et muet comme le regard de la Joconde. J'ai vu des larmes qui coulent et notamment des balles qui tombent. J'ai vu des mecs cool et à la fois le sourire de leur ombre. Leur âme s'envole et leur silhouette devient sombre. Et je pense à ce jour où on va rompre. Cette fois il me semble que je suis pris pour cible. Tout le monde veut sa part, donc l'être humain finit par ne plus être sensible. Et toi sincère, quand tu me disais qu'on était juste des pions affamés devant un bout de pain et qu'on allait se quitter à la fin. À la fois je dois être digne, comme la foi dans ce digne. Salam au père et aux frères dans leur âme se perdent au cimetière. Aux frères et autres musulmans, que Dieu vous garde. Avant que le retentissement de la faim vous bombarde. Moi il est temps que j'y aille, donc je vous tire ma révérence. Je me taille vers l'au-delà et les corbeaux me présentent.